cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I asked for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready. Et bien, 10h. Les Sport News. Toute l'actu sportive sur Énergie. Et c'est parti pour les Sport News. Sport News. Et on commence ces Sport News eh bien par le football et le cinquième tour de la Coupe de France. On commence par les rendez-vous du week-end. L'USBCO se déplace à Rennes. L'entraîneur eh bien fera tourner son effectif avec une rencontre sans crainte, à mon avis, pour bien sûr Boulogne. Mais c'est la Coupe, attention. Grande-Synthe eh bien ira à la Gorgue. Le Portel se déplace à Neu. Étaple à Saint-Solve. Saint-Martin-Boulogne eh bien se déplace à Loos. Le Touquet, Noyelles-sous-Lens. Un moment historique pour Rec-sur-Rême qui va recevoir Beuvry-la-Forêt. Nous reviendrons avec l'entraîneur dans les Sport News. Il sera bien sûr au micro de Quentin. Et puis Stenvoorde eh bien reçoit le FC Seclin. Berck reçoit Billy. Voilà les rendez-vous du week-end de la Coupe. Et on arrive au résultat avec beaucoup de surprises hein, pour cette rencontre. Hasbrouck eh bien, a battu Dunkerque, équipe de nationale. C'est un exploit pour l'équipe d'Hasbrouck. 1-0, un très beau lob d'Adrien Desruelles dans la cinquième minute. Une rencontre solide face aux Dunkerquois, très triste. Croix eh bien, a fait tomber Arras 1-0. Arc eh bien, a laissé la victoire à Saint-Omer sur le score de 1-2 après prolongation. Un beau duel tendu hier à Arc. Réaction du buteur Fouad Bourabi. Ouais, franchement, bah, on est tombé sur une bonne équipe de Arc hein, qui joue très bien au ballon. Ils ont fait leur taf et ils nous ont beaucoup embêtés. Et bon, bah, voilà, après, à 9 contre 11, ils ont eu un peu plus de difficultés. Donc on a profité pour ça se finir. On va essayer de encore prendre des petits à des points possibles, en espérant, et bon, on verra bien, on prend ce nouvel. Voilà, bravo Fouad, un très très très beau but de mon ami Fouad Bourabi, du côté de Arc, bien sûr, de la déception. Si je pense qu'on entame mal le match, au départ, voilà, on était un peu apeurés, effrayés, un peu timorés, et puis, voilà, peut-être le système aussi qu'on avait changé, mais bon, on est revenu sur les principes qu'on avait, et voilà. Et vous, je vous ai senti quand même timoré en première mi-temps. Voilà leur jeu, c'est normal. Mais après, on est monté en puissance. On s'est trouvé une montée en puissance. Je pense que c'est le but. Et voilà, on a réussi à les faire buter. Et bon, on marque un but aussi extraordinaire. On ne peut pas dire, l'égalisation du score. Et puis après, bah, voilà, 15 secondes de la fin, c'est dommage. On avait fait pas le match parfait, mais la tactique parfaite pour pas. Pour pas encaisser, parce que là, c'était compliqué, il faut davantage faire les efforts, davantage courir, bloquer les passes, les intervalles. Mais je suis très très fier de mes joueurs, comme je leur disais. On a quand même été gagné trois fois à l'extérieur. sur la Coupe de France. Donc c'est quand même beau, c'est un beau parcours. Et puis voilà, qui plus est aujourd'hui, voilà, même si on perd, pour moi on a fait de belles choses et ça va nous servir pour la suite pour le championnat. Voilà, place donc maintenant au championnat pour Arc. Je vous rappelle le résultat, donc 1 à 2 pour Saint-Omer et puis défaite de Rara-Sacroix, je vous le disais, 1-0. Aujourd'hui, eh bien, nous, là, c'est fini pour la Coupe. On arrive maintenant, eh bien, au rendez-vous du week-end, toujours en football. Aujourd'hui, eh bien, nous recevrons Saint-Quentin-Blessis qui délaisse ce dimanche, eh bien, le championnat pour la Coupe, mais pas la Coupe de France, hein, c'est une autre Coupe, et reçoit l'équipe B de l'ES Arc. Nous reviendrons donc sur l'événement tout au long de ces Sport News. Et pour Simon Massé, eh bien, c'est pas évident quand même face à Arc cet après-midi. C'est une équipe compliquée, c'est une division au-dessus de nous. Donc on a déjà réussi à éliminer au tour précédent Saint-Omer-Essor. On va essayer de rééditer l'exploit face à une belle équipe d'Arc. On a eu l'occasion de les jouer en match amical, enfin l'équipe première en match amical il y a quelques semaines, où on avait vu qu'il y avait vraiment une grosse équipe. Et je suppose que c'est la même chose avec l'équipe B. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence tout à l'heure? Ça va être l'envie, je pense, parce que on est motivé pour continuer dans cette compétition. On a envie de jouer tous les dimanches, sachant que si on est éliminé de cette coupe, bah, on va pas pouvoir participer à d'autres compétitions. On n'aura plus que le championnat à se concentrer, mais donc on a vraiment à cœur de remporter ce match. Voilà, Saint-Quentin-Blessis, donc Arc B tout à l'heure à 15h. Nous reviendrons avec Simon Massé tout à l'heure à 10h30. Il restera bien sûr avec nous. Et puis en deuxième division féminine, eh bien, les filles de l'USBC au Saint-Léonard accueillent Saint-Maur à 15h à la Loire au Cri. Allez les filles, une victoire, on croise les doigts. En basket, eh bien, en Pro A, lundi le BCM se déplace à Dijon pour la troisième journée du championnat. En National 3, défaite du BC Ardre à Bonconseil 73-72, victoire de Lone Plage qui recevait Gravelines Grandfort 69-55, défaite de Grande Sainte face à Paris 50-72 et défaite de l'SOMBB qui recevait Longo Amiens 52-69. En pré-national, eh bien, victoire de Saint-Martin-Boulogne qui recevait Roncq 80-68, belle victoire de Blandec 96-74 face à Bucaille et victoire d'Asbrook à Comines 54-62. On passe au ring hockey et quelle fut belle cette victoire hier soir au Brocus face à Mérignac, malgré l'ouverture du score de Mérignac par Guilhem Lesca. Et bien très vite, hein, Mathieu Leroux marqua son but et son territoire avec son premier but. Les points resteront partagés à la mi-temps de partout. Marco Pinto en forme hier soir marque 2 buts d'affilée et Saint-Omer termine sur une victoire méritée 5-3. Il fallait signer cette victoire pour le gardien du Scra. Mais on a la capacité avec cette équipe de réussir. Voilà. Je pense que la deuxième mi-temps, c'est complètement à nous. Je pense que nous, dans la deuxième mi-temps, on a beaucoup plus de puissance que Mérignac et on a raté beaucoup. Et ça, on doit regarder pour les prochains matchs, qu'on ne peut pas rater comme aujourd'hui, sinon on va être difficile. Oui, le moment plus difficile, c'est quand il y a les 3D et il a la coupe en direct pour les Mérignac, mais Pedro il a été très fort et il l'a arrêté et c'est bien. On a fait la différence après, on va faire les 5-3 et c'est bien. On a deux bons gardiens alors. Ouais. Ça va. Merci à toi. Voilà, il reste humble hein, ce gardien naturellement. Je vous rappelle cette victoire 5-3, victoire bien sûr des Audomarois sous les yeux de Fabien Willow qui a donné le coup d'envoi et qui sera avec nous tout à l'heure à 10h50. On passe un peu au bad. Le Volant Airois eh bien, a arraché le match nul face à Maronne hier soir. C'est 4 partout. Hein. Bonne nouvelle pour cette première rencontre du championnat face à l'élite du bad français et du top 12. Beau match. C'est vraiment, je vous assure, une belle réussite hein, pour le Volant Airois. Stéphie donc, a remporté son double dame hier soir face à Maronne. Oui, en double dame, on a bien joué. Ça allait super bien. Pour la première fois en top 12 qu'on joue ensemble, oui. Ma partenaire était super bien, donc moi j'étais un peu nerveuse, mais ça allait bien. Elle m'a aidée aussi, donc on est rentré bien dans le match. Les premières trois volants, c'était important pour anticiper un peu. Et après, si on jouait le rallye, on était dedans. Voilà donc, belle performance donc pour Stéphie. Romain Audelin, eh bien lui a remporté le point face à Louis Ducrot, que nous retrouverons tout à l'heure à 11h. Lui, il avait rien à perdre parce que j'étais entre guillemets favori. Moi, il y a une petite faute au deuxième match, au deuxième set qui me sort un peu du match. Mais bon, après, le troisième set, voilà, il a fait un super plan, je pense, dans sa tête. Tactiquement, c'était bien. Et puis moi, j'ai vraiment eu du mal à lutter contre cet événement-là. Puis je suis super content du résultat parce qu'il me fallait le point pour l'équipe et c'est génial, quoi. Moi, j'ai réussi à me jouer contre moi-même parce que c'était vraiment très difficile mentalement pour moi, sous pression. Et ce qui a fait la différence, je pense, c'était que je me reconcentrais sur la tactique. J'ai essayé de le ramener dans mon jeu et de l'éviter du sien. Il est assez fort à plat. J'avais du mal dans ce domaine-là et il a lui insisté. Donc je crois que quand j'arrivais à grandir l'espace de jeu, c'était tout bénef pour moi. Et il refusait ça, lui, et il avait tout à fait raison d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, Romain Audelin, donc numéro 8, français, 4-4, belle rencontre donc à R hier. En National 3, l'équipe B eh bien, remporte sa rencontre face à la Bassé. Bon résultat pour une volonté de monter. L'équipe 3 s'incline logiquement face à R-Saint Copigny. Handball, National 2, victoire d'Hazebrouck face à Nogent, 22-33, 11-17 à la mi-temps en excellence région. Troisième journée du championnat sans défaite, le HBLM reçoit Montigny en Gonelle. Ce sera donc à 17h au complexe des Bruyères. En volée, en National 3, le SARC eh bien, va essayer de confirmer leur bon début de championnat en recevant ici les Moulineaux. En Régional 2, défaite de l'équipe B face à Hélène, 3-7-1. En motocross, eh bien, ce dimanche à Berck-sur-Mer, championnat de France de motocross de sable, le Belge Axel Van de Sande, deuxième à l'Enduropal du Touquet, c'était en janvier dernier, eh bien, fera tout pour rester en tête. Camille Chapelière et Julien Tournessy sont à surveiller du côté français. Adrien Van Beveren, absent bien sûr cette année, rentre du Maroc actuellement après son raid où il a terminé 6e, il sera bien sûr au Touquet dès janvier prochain. Et puis à Boulogne, Ludovic Vanpoul, les sapeurs-pompiers, eh bien propose sa première journée de championnat de cardio-gol. C'est dans la salle des sports du lycée Branly, c'est un sport à découvrir. Voilà, tout de suite, retour à la musique sur Énergie, 11h30, Simon Massé de Saint-Quentin-Blessis sera notre invité dans les Sport News. Sport News, toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. Salut, c'est Craig de l'équipe Australia de Kayak Polo. J'écoute les Sports News sur NRG.

89 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Le radiateur 1000 watts avec double cœur de chauffe pour une diffusion optimale de la chaleur est à seulement 89 euros, éco-participation incluse. Arrivage en quantité limitée à partir du 7 octobre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Mais vous êtes en kilt aujourd'hui, ça vous va pas mal. Je reviens d'Écosse, Michel. Jusqu'au 16 octobre, chez Carrefour Market, il y a 50% d'économie sur la bouteille de scotch Whisky Glen Turner Heritage avec votre carte de fidélité. Et côté promo, c'est pas mal non plus. Et c'est aussi valable sur une sélection de produits de marque. Oh, et en plus, vous m'avez ramené une cornemuse. Carrefour Market. Single malt, 70 centilitres. Modalité magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Énergie sur l'Audomarois, 102.3. Le lièvre et la tortue, à nouveau réunis, écoutez le lézard leur ami. Du 5 au 15 octobre, Monsieur Store fête son anniversaire. Par tranche de 2000 euros d'achat, 200 euros vous sont offerts. Tandis que la tortue partait à bride abattue, le lièvre à son grand âme dut consulter sa femme. Pergola, ban, store de véranda. Quand le lièvre enfin se décida, la tortue avait déjà sa pergola. Moralité, pour profiter de cette offre, rien ne sert de le dire. Il faut courir et point. Monsieur Store. Demandez vite un devis gratuit à Monsieur Store Hasbrook au 03 28 41 83 58 ou retrouvez nos rues de l'église à Hasbrook. Voir conditions de l'offre en magasin. En Pays de l'Ambre, l'art se conjugue au singulier. Du 8 au 16 octobre prochain, venez découvrir l'art singulier en Pays de l'Ambre. Exposition, table ronde, concert, art dans la rue, atelier sérigraphie, street art, sculpture, gravure seront au programme. Un festival gratuit et ouvert à tous. Venez donc nous retrouver en Pays de l'Ambre au singulier du 8 au 16 octobre. Programme complet sur paysdelambreausingulier.fr. Une organisation communauté de communes du Pays de l'Ambre et Argoupe. Bonjour David. On maîtrise tout ce qui roule. Et oui, je suis chez Peugeot d'Amide. C'est la fête ici pour les jours incontournables Peugeot Occasion. Trois jours pour profiter de reprises Argus jusqu'à plus de 2500 euros. Deux véhicules à partir de 3990 euros. De chèques remises jusqu'à 500 euros. Et un VTT, un GPS et des bons d'achat et de lavage sont à gagner. Ah bah je vois un petit garçon avec ses parents. Bah justement, il y a aussi plein d'animations pour les enfants. Vendredi 7, samedi 8 et même dimanche 9 octobre. Portes ouvertes chez Peugeot d'Amide, avenue Gustave Courbet à Longuenesse. EnergieNordLittoral.com, l'actu au quotidien pour être encore plus proche de vous. EnergieNordLittoral.com, c'est aussi les podcasts, les jeux, les sorties dans votre ville, les sports, l'emploi et votre radio en ligne 24 heures sur 24. Alors, pour rester connecté, rejoignez la team Énergie en ligne. EnergieNordLittoral.com. Les plus belles rencontres se font au Salon du mariage d'Hasbrook qui se déroulera au Bowling des Flandres ce vendredi 14 en soirée et samedi 15 octobre. Venez découvrir tous les prestataires pour que votre mariage soit un jour inoubliable. Le vendredi, de 9h à 21h, avec apéro romantique pour les futurs mariés et cadeaux toutes les 10 minutes. Et samedi, de 11h à 12h30 et de 14h à 18h. Rendez-vous au Bowling des Flandres pour le grand salon du mariage de la Flandre intérieure. Entrée gratuite et gagnée par tirage, deux repas spectacles au grand cabaret de Vieux-Berquin. Une organisation, les salons du mariage.com, de nombreux partenaires avec le concours d'énergie. Plus d'infos sur lessalonsdumariage.com. Portes ouvertes chez Supermarket Caravane. Venez nous voir les 13, 14, 15 et 16 octobre et faire des affaires exceptionnelles. Sur place, 80 caravanes d'occasion et des mobilhomes à prix sacrifié. 5 caravanes neuves à prix coûtant, des prix incroyables sur les fins de série 2016. Moins 20% sur tout le magasin, de moins 20 à moins 50% sur les hauts vents, moins 20% sur les terrasses. Sur place, découvrez les nouveautés 2017, caravanes et mobilhomes dans les plus grandes marques. Rendez-vous du 13 au 16 octobre, route de Lille, à Sailly-la-Bourse et sur supermarket.fr. Salut à tous, c'est François Brouard, joueur de Saint-Quentin-Blessis, et j'écoute les Sports News sur Énergie. Blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love, in the name of love, name of love, in the name of love. We could bathe in all the lights. Would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Actu sportive et réaction à chaud dans les Sports News. Merci d'être avec nous dans les Sports News. On va parler football avec aujourd'hui Simon Massé qui est notre invité. Simon, bonjour. Bonjour GF. On va parler football avec Saint-Quentin Blessy. Pour ceux qui nous écoutent à Boulogne, une petite leçon de géographie, c'est près d'Air-sur-la-Lys, là, si on peut se trouver Saint-Quentin Blessy. C'est bien ça, juste à côté d'Air-sur-la-Lys, c'est même un hameau d'Air-sur-la-Lys, justement. Alors, vous jouez naturellement la reprise du championnat, vous avez joué naturellement quelques matchs. Est-ce qu'on peut définir ton équipe après cette reprise de championnat? Alors, on a commencé par deux victoires face à deux adversaires, je pense, assez costauds. On va essayer de continuer là-dessus sur notre lancée. L'objectif, c'est la montée. Donc, forcément, il va falloir gagner le plus de matchs possible. On a recruté intelligemment à des postes où on avait besoin, je pense. Et ça peut faire la différence pour le reste de la saison et pouvoir justement faire une meilleure saison que l'année passée. Alors, une équipe différente par rapport à l'année passée, de nouveaux joueurs qui sont intervenus pendant les vacances. C'est ça, on avait des postes à combler, on a recruté intelligemment des joueurs des alentours, des joueurs qu'on connaissait déjà, parce qu'ils avaient déjà intégré l'effectif l'année dernière par le biais des entraînements, notamment en fin de saison. On a déjà quelques automatismes et ça a plutôt bien réussi justement dans ce début de saison grâce à nos deux victoires consécutives. Un objectif qui va être poussé, qui a envie de monter à mon avis. C'est ça, c'est l'objectif du début de saison. Après, est-ce qu'on va y arriver? Je te le dirai en fin de saison. Je pense qu'on a tout pour. Si on a l'envie, la motivation, l'entraînement comme on l'a actuellement, il n'y a pas de raison qu'on ne monte pas. Alors nous avons repris l'émission il y a quelques semaines, donc début de championnat. En quelques mots, s'il fallait, pour terminer, définir ton équipe. C'est une équipe soudée, conviviale et familiale. Je pense qu'on s'entend bien sur et en dehors du terrain. Et ça va être notre principal atout pour la réussite de la saison. Simon, merci beaucoup d'être venu dans l'émission ce matin. On rappelle naturellement que Saint-Quentin Blessy a des ambitions. C'est la montée, une bonne équipe, tout ce qu'il faut. Exactement, exactement. À très bientôt. Merci JF. Tout de suite, retour à la musique sur Energy. Bon week-end. Merci d'être avec nous ce matin dans les Sport News. Bonjour, c'est Fabien Gillot. J'écoute Sport News sur Energy. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous?

tu vas arrêter, oui. Désolé, mais là, pour nous, les carottes, ben... elles sont cuites. Je sais, on est mal. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 25-45, variété nantaise, 50 centimes le kilo, origine France. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage ? Jusqu'au 23 octobre, découvrez les journées soins visage Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins, profitez d'un diagnostic personnalisé et de 7 jours d'essai offerts. Les journées soins visage vous attendent dans les 670 magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Yves Rocher. Maintenant, sur Énergie. Sur Énergie. Sport News. Vous êtes la meilleure radio de France, je vous aime. Salut, c'est Louis, joueur de badminton au LVA et j'écoute les Sport News avec JF sur Énergie. Sport News. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce matin. Nous sommes le dimanche matin évidemment et cet après-midi, oui vous le savez, Coupe de France, REC sur M face à Beuvry-la-Forêt. Et nous avons Vincent Delanel qui est avec nous. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous dans les Sport News. Donc vous êtes la dernière équipe du district Côte d'Opale à rester dans la course de la Coupe de France. Vous jouez le cinquième tour cet après-midi. Comment expliquez-vous un tel succès ? Par une énorme combativité et puis respect de nos valeurs qui font que nous sommes à ce niveau-là. Donc si vous remportez le match cet après-midi, est-ce qu'il y a des équipes qui vous feront peut-être peur par la suite ? Non, à partir du moment où on crée deux exploits consécutivement, ça devient un surexploit. Donc bon, on ne peut plus avoir peur de personne, surtout en étant la dernière équipe du district à évoluer en district. Donc il y a forcément des joueurs clés de votre équipe qui pourraient peut-être vous amener la victoire cet après-midi ? Je compte surtout sur mes attaquants, qu'ils soient efficaces lors des occasions qui leur seront proposées. Il faut être humble, je ne pense pas qu'on va dominer ce match, mais on va les attendre et la moindre occasion, il faudra être tueur devant le but. Quel dispositif vous allez mettre en place pour ce match ?

I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Merci. Don't put your blame on me. C'est pas fini. C'est durable. Il est 11h. Les Sport News. Toute l'actu sportive sur Énergie. Merci d'être avec nous. Sport News. Et la seconde partie des Sport News jusque 12h avec de nombreux invités, même des invités surprises. Nous partirons à Hazebrouck dans un instant. Cinquième tour de la Coupe de France. On commence par les rendez-vous du week-end. L'USBCO eh bien, se déplace à Rennes. L'entraîneur eh bien, fera tourner son effectif. Une rencontre sans crainte peut-être pour Boulogne. Mais attention, c'est la Coupe de France. Grande-Synthe ira à la Gorgue. Le Portel eh bien, se déplace à Neu. Étaples à Saint-Solve. Saint-Martin-Boulogne eh bien, se déplace à Loos. Le Touquet, Noyelles sous Lens. Et puis un moment historique pour Rec-sur-M qui va recevoir eh bien, l'équipe de Beuvry, c'est la forêt, hein, Beuvry la forêt. Une belle rencontre naturellement cet après-midi. Seine-Vordre reçoit le FC Seclin et Berck se déplace à Bully. Du côté des résultats, eh bien, il y a de grosses surprises du côté d'Hazebrouck qui a battu Dunkerque en national. C'est un exploit 1-0. Eh bien, très beau, hein, but d'Adrien Desruelles dans la cinquième minute. Une rencontre solide face aux Dunkerquois. Et bonne surprise, à 11h40, eh bien, nous retrouverons le milieu de terrain hazebrouckois et le président pour terminer l'émission. Tout à l'heure, 11h50 sera avec nous pour terminer donc ce monde sport. Et puis, je vous le disais, Arc, eh bien, a laissé la victoire à Saint-Omer sur le score de 1-2 après prolongation. Un beau duel tendu hier au stade de Arc. Réaction de l'entraîneur de Saint-Omer, Christophe Mersman. Fierté de battre Arc, j'irai pas jusque-là parce qu'aujourd'hui il y avait 3 divisions d'écart et la logique, on va dire, a été respectée. Maintenant, cette équipe d'Arc a vraiment été valeureuse, a su marquer un but quand il le fallait, a su être costaud même à 9. On a eu du mal à s'approcher du but, on a eu du mal à se créer des occasions. Maintenant, moi, je suis fier de mes joueurs parce que j'ai déjà du boulot à m'occuper de mes joueurs. Je suis fier de mes joueurs d'être allé chercher cette victoire à la 120e. Il a fallu d'un seul tir à la dernière minute, même à la dernière seconde, je dirais. C'est plutôt exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Maintenant, le football, il faut persévérer. Et les joueurs ont persévéré. Et puis, sur la dernière, Fred a senti qu'il a frappé avec son pied gauche magique, il nous a délivré. On est au 6e tour. C'est bien pour le club, c'est bien pour la dynamique. Et on va continuer à travailler maintenant et on va se projeter sur la suite. Voilà, victoire de Saint-Omer donc pour ce derby face à Arc. De belles occasions de chaque côté sans concrétiser. Fouad Bourabi, eh bien, tire d'une belle frappe le but de la victoire. Ouais, franchement, on est tombé sur une bonne équipe de Arc hein, qui joue très bien au ballon. Ils ont fait leur taf et ils nous ont beaucoup embêtés. Après. À 9 contre 11, ils ont eu un peu plus de difficultés, donc on a profité pour s'en suivre. On va essayer d'encore prendre des petits à des points possibles, en espérant, et on verra bien, on prend ce nouvel. Et puis la coupe continue, victoire de Saint-Omer 1-2. Et aujourd'hui, eh bien, nous recevons Saint-Quentin Blessy qui délaisse ce dimanche le championnat pour la coupe, mais pas la coupe de France, hein, une autre coupe. Il reçoit l'équipe B eh bien, de l'ES Arc. Nous retrouverons eh bien, François Brouillard et notre invité pour ces Sport News. Saint-Quentin Blessy eh bien, se porte pas trop mal dans le championnat. Oui, on reçoit Arc B. Donc on connaît déjà un petit peu Arc, étant donné qu'on a été joué là-bas en match amical. On a joué leur équipe première, une équipe très costaud. Donc là, on les reçoit en officiel, donc en coupe fermeture fourrée. Un match compliqué, parce qu'en face, il y a de très très bons joueurs. Oui, je pense que je vais croiser quelques têtes hein, que j'ai croisées auparavant sur les terrains, même des anciens coéquipiers. Après, je sais pas trop comment ils fonctionnent avec leur effectif ABC. On verra ça tout à l'heure. Alors, une différence entre les deux clubs, le niveau, est-ce que tu crois qu'il y a un niveau différent, même si on est dans le même championnat? Le niveau, ouais, il est différent, étant donné que leur équipe première est en Ligue. Ils ont des entraînements assez stricts. Bon, nous, on est une équipe un peu plus familiale. On n'a pas le même investissement au niveau de la compétition. Mais l'envie est quand même là, hein, je te rassure. Voilà, François Brouard, que nous retrouverons en tant qu'invité tout à l'heure à 11h30, Saint-Quentin-Blessis-Arquebet, à 15h du côté des filles en deuxième division féminine. Et bien les filles de l'USBCO Saint-Léonard accueillent Saint-Maur à 15h. Ce sera à la Warocry. Allez, les filles, une victoire, je l'espère. En basket et en Pro A, et bien lundi, le BCM se déplace demain donc à Dijon pour la troisième journée du championnat. En National 3, défaite du BC Ardre à Bonconseil, 73-62. Victoire de Lonne-Plage qui recevait Gravelines Grandfort 69-55, défaite de Grande-Synthe face à Paris 50-72, défaite de l'SOMBB qui recevait Longo Amiens 52-69. Du côté de la Prénate, eh bien victoire de Saint-Martin-Boulogne qui recevait Ronque 80-68, belle victoire du BCBSO 96-74 face à Bucaille et victoire d'Asbrook à Comines 54-62. On passe au ring hockey et quelle fut belle cette victoire hier soir face à Mérignac malgré l'ouverture au score de Mérignac par Guilhem Lesca, mais très vite eh bien, Mathieu Leroux marqua son territoire avec son premier but et puis bien sûr les points seront partagés à la mi-temps de partout. Marco Pinto en forme, marque 2 buts d'affilée et Saint-Omer termine sur la victoire méritée, 5-3, une rencontre dure à jouer d'après Duarte. Oui, encore un match difficile, une équipe qui donne jusqu'au fin tout le temps, c'est une équipe très difficile à jouer à mon avis les équipes tactiquement, non pas une bonne équipe, une équipe bien organisée, mais après, on a d'autres situations, c'est toujours dangereux. La première mi-temps, je pense qu'on a été un peu pas concentré. La deuxième, on a amélioré un petit peu. Dommage, le dernier but qu'on a pris les dernières deux minutes, un peu. Mais bon. Les rattraper après, c'est bon. Exactement, le principal, c'est les 3 points, ils sont là. Maintenant, je pense qu'il faut profiter un petit peu de cette victoire. Et on a samedi encore un match très difficile à passer. On travaille toutes les semaines pour préparer un match. Et quand c'est comme ça, quand on fait les choses bien sur les semaines, normalement, on a beaucoup de probabilités de gagner les matchs. Aujourd'hui, on a été envie de gagner, comme tous les matchs. Et heureusement, les choses ont marché bien pour nous. Eh oui, belle victoire hein, de Saint-Omer sous les yeux de Fabien Gillot, 5-3. Fabien Gillot qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Bravo à l'équipe du SCRA. En bad, eh bien, le Volant Airois a arraché le match nul face à Maronne, 4-4. Bonne nouvelle hein, pour cette première rencontre du championnat face à l'élite du bad français, le top 12. Et je peux vous dire qu'il y a eu de très très belles rencontres, entre autres celle de Louis Ducrot qui nous a fait un peu pleurer après ce beau match. Bien sûr, déçu en fin de rencontre. Je pensais vraiment pouvoir aller chercher. Enfin, au début, sur le papier, j'étais pas à 100% vainqueur, quoi. Quand j'ai le volant de match, je suis peut-être pas assez lucide et peut-être un manque d'expérience. De l'autre côté, ben, on peut le dire, il y avait quand même un bon joueur. Un match très serré hein, tout au long de ce dernier set, surtout. Ouais, bah, premier set, j'étais vraiment pas dedans. Et après, c'est là où je me suis mis à vraiment prendre confiance en mon jeu et à accepter l'échange, à accepter que ça dure, et c'est là où ça a commencé à vraiment devenir intéressant. Mais ouais, très très fort, c'est le numéro 8 français en face. Mmh. Et ouais, il était favori, hein, et il gagne beaucoup de tournois en ce moment, il est vraiment bon. Voilà, c'est vrai qu'il eh bien, il nous a fait tomber quelques larmes, ce Louis, et il est perdre à simplement quelques volants. Réaction de Romain Eudeline, donc son adversaire numéro 8 français de Maronne. Moi j'ai réussi à me jouer contre moi-même parce que c'était vraiment très difficile mentalement pour moi, sous pression. Ce qui a fait la différence, je pense, c'était que je me reconcentrais sur la tactique, j'essayais de le ramener dans mon jeu et de l'éviter du sien, il est assez fort à plat. J'avais du mal dans ce domaine-là et il a lui insisté, donc je crois que quand j'arrivais à grandir l'espace de jeu, c'était tout bénef pour moi. Et il a refusé ça lui et il avait tout à fait raison d'ailleurs, donc voilà. Voilà, je vous rappelle le résultat. Donc, match nul, hein, 4 partout, belle rencontre de R sur la liste. Handball, et bien National 2, victoire d'Asbrook face à Nogent, 22-33, 11-17 à la mi-temps, en excellence région. Troisième journée du championnat sans défaite. Le HBLM reçoit Montigny en Gonelle. Ce sera à 17h au complexe des Bruyères. En volée, en National 3, le SARC eh bien, va essayer de confirmer leur bon début de championnat en recevant ici les Moulineaux tout à l'heure. Un mot de tennis, le Tennis Club de Saint-Omer eh bien, organise le tournoi multichance pour les enfants de toute la région d'Alsace, la Bourgogne et notre région bien sûr. Le tournoi se déroulera du 31 octobre au 2 novembre. La compète eh bien, se déroulera sous forme de poule et qualification pour les finales. Et puis les rendez-vous du week-end ce dimanche, eh bien, Berck, championnat de France de motocross. À Boulogne, Ludovic Vanpool, sapeur-pompier, propose sa première journée de championnat de cardio-goal, un sport à découvrir, salle des sports du lycée Branly. Et vendredi 14 octobre, le tennis squash

pour faire cette saison au mieux. S'il fallait définir ton équipe avec trois adjectifs, comme le disait tout à l'heure Simon, quels sont justement pour toi la... Bon, je pense que la clé de tout ça, c'est l'envie, la solidarité, ça fera la différence à chaque match, simplement. Tout à l'heure en coupe, ce sera Arc, donc la méfiance. Oui, grosse méfiance. Leur équipe première a joué la veille, donc qui est peut-être des descentes en B aujourd'hui. Donc on verra ça tout à l'heure, mais de toute manière c'est 11 contre 11 et nous on lâchera rien. Voilà, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci à toi JF. Voilà, merci à toi. Et puis bien sûr, dans un instant, retour à la musique sur Énergie. Et puis cet après-midi, eh bien, Saint-Quentin Blessis va jouer face à Arc B. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Bon week-end. Les Sports News continuent jusque 12h. Mi fuerza, mi sonrisa, ¿a quién te lo regalo yo? Comparto una sonrisa, vivo al mundo, le das tu sabor. Mi fuerza, mi sonrisa. Son abierto mi voz que te llama, amigo mío, apúrate. Con los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Got me feeling stupid.

maintenant. Plus de 40 minutes de hip-hop, R&B, dance à la suite. Ah, trop bien. Ici, c'est Énergie. Bobble, bobble. Salut à tous, c'est Simon Massé, joueur de Saint-Quentin-Blessis. J'écoute les Sport News sur Énergie. Yo, c'est la gala with the big tic-tac. She fait gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. When you bubbly, bubbly, serious thing, it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckler, the bubbly, bubbly. Call in two friend and then doubly, doubly. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. The trumpets blow. C'est bon pour se réveiller un dimanche matin. Dans un instant, Frérot de la Vega arrive sur Énergie. Merci d'être avec nous. JF vous présente les Sport News. Et je vous rappelle, cinquième tour de la Coupe de France. Quelques matchs à ne pas rater. Tout d'abord, Rec sur M, eh bien, qui va jouer face à Beuvry-la-Forêt. C'est le petit poussé de ce cinquième tour. Hier, il y a eu bien sûr de grosses surprises. Je vous rappelle que Saint-Omer eh bien, a battu Arc chez eux sur un beau score. Un match très tendu pour ce derby. Et puis, un autre exploit, celui de Hazebrouck qui a battu Dunkerque. Et nous allons partir à Dunkerque pour Hazebrouck pour rejoindre Michel Yetna qui est avec nous. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin très tôt. Milieu de terrain offensif qui a créé l'exploit face à Dunkerque hier. On peut le dire, Michel, c'est un exploit pour Hazebrouck. Oui, oui, c'est un très très grand exploit. C'était la fête, la joie. On y croyait avant le début du match et on a cru jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qui a fait justement cette différence? Parce que marquer le but, le seul but, c'était aller dans cette première mi-temps, il a fallu tenir après. Ouais, justement, en fait, le dimanche d'avant, on a perdu un match contre Valenciennes, qui a fait descendre en équipe réserve presque 4 professionnels. Et cette défaite nous a donné beaucoup de leçons. On menait l'équipe de Valenciennes 2-1. Il nous restait 6 minutes la fin du match. Et on a pris 3 buts. Et là, oui, hier justement, tenir, ça a été difficile pour Hasbrouck après ce premier but? Non. En fait, on est resté en place et on a continué à jouer. C'est un groupe, on s'est bien positionné, on a respecté les consignes du coach. Et le jeu, il était facile pour nous. Défense devenait facile puisqu'on avait vraiment un groupe compact. Et on a même eu des occasions en plus. Alors, nous avons eu quelques joueurs au téléphone, et puis tu es le seul qui est déjà debout ce matin, c'est normal? À mon avis, les autres ont fait la fête. Bon, je dirais que de toute façon, la victoire d'hier, elle reste dans nos mémoires. Nous sommes contents. Bon, on va essayer de l'oublier très vite parce que le plus important, c'est le championnat. C'est la suite. Et c'est la suite voilà, aussi, hein, de la coupe. Et la suite de la coupe. Donc, je sais que ça a été une très, très belle journée pour nous. Alors, réaliser voilà. ce rêve de Coupe de France, c'est magique, la Coupe de France. Et battre une équipe de national, c'est de beaux souvenirs, Michel. C'est un très, très beau souvenir. L'année passée, déjà, ils nous ont éliminés au 8e tour. Alors, on s'est dit, c'est la revanche. Voilà, c'était une revanche. Et malheureusement, pour eux, c'était une entrée de compétition pour eux qui n'était pas bonne vue que l'équipe qu'ils allaient rencontrer, c'est l'équipe qui a été éliminée par eux l'année passée. Donc, nous, on était sûrs qu'en respectant les consignes, on peut faire l'espoir, on peut créer l'espoir. En tout cas, merci et bravo à toute l'équipe. Bravo à toi. On rappelle, hein, tu es le milieu de terrain offensif du club d'Hasbrouck. Il n'y a pas que toi qui es debout à cette heure-ci. Il y a aussi le président qu'on va retrouver dans un instant. Il t'écoute. Ouais. Il va te donner une note. Vas-y, balance. Est-ce que je peux très vite passer citer quelques personnes pour dédier cette victoire? Alors, vas-y, balance. Déjà, le président, merci pour tout ce qu'il fait pour l'équipe. Et avec le coach qui veille à ce que nous puissions progresser dans cette compétition, le staff qui met à notre disposition tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous donner à fond, et mes coéquipiers aussi qui ont tout donné pendant les 90 minutes. On a vraiment été soudés, on a joué comme des fous, comme des guerriers. Merci à mes amis qui m'ont soutenu pour ce match, Léa et toute ma famille. Non, je voudrais les remercier. Voilà, c'est passé, le message est passé. Et puis, tes coéquipiers dorment encore. Hein. Ils ont dû faire la fête après. Ils ne dorment pas. Ah là là. Prouve-le. Non, ils ne dorment pas. Gloria, ils sont debout. La fête, elle n'est pas encore finie. Ah là, ils n'ont pas dormi, en fait. Merci. Merci, Michel. À très bientôt. Bravo encore à toute l'équipe d'Hasbrouck. Et tout à l'heure, le président. Merci à toi. Merci, salut. Au revoir. Merci à toi, bravo encore à ce bel exploit de battre Dunkerque, c'était hier une équipe de national. Tout de suite retour à la musique et on termine avec le président d'Hasbrouck. Salut, c'est Stéphane Marquilly, attaquant de l'ES Arc. J'écoute les Sport News sur Énergie. Au-delà des orages, je pars en voyage. Un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément.

10h midi. Le week-end, place au sport. Et c'est déjà fini. Eh oui, c'est la fin de l'émission avec beaucoup de rebondissements dans cette émission. En Coupe de France, bien sûr, on rappelle hein, ces beaux matchs que c'est pas fini, hein, puisqu'il y en a encore ce week-end. Il y a Stenvoort hein, qui va jouer. Il y a également Rex Urem qui va créer l'espoir. Je l'espère en tout cas avec Beauvry-la-Forêt. C'est pour eux d'être aussi loin. C'est un espoir historique. On l'espère pour eux. Et puis, un autre exploit qui s'est déroulé hier, c'est bien sûr Hazebrouck qui a battu Dunkerque, une équipe de nationale. Pour terminer l'émission, eh bien, nous avons avec nous eh bien, le président d'Hazebrouck. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce qu'on a un président très heureux qui s'est couché très tard cette nuit? Oui. Ouais, oui, c'est vrai. Mais pas pour ce que vous pensez. Hein. Ah c'est la fête quand même. Ah d'accord. Alors, bel exploit d'Hazebrouck de votre club, on peut le dire. Tout à fait, tout à fait. Ce que les garçons ont fait, c'est vraiment énorme. Dans la manière, dans le jeu, dans l'esprit de groupe, voilà quoi. J'avais dit, après la défaite de Valenciennes, que cette équipe, je la trouvais belle, j'en étais fier, et il s'avère que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'était vraiment, c'est au-delà d'une équipe, c'était un super groupe. Alors, il y avait peut-être un esprit de revanche par rapport à l'année dernière face à Dunkerque, c'est ce que nous disait Michel tout à l'heure. Bah, pour certains qui ont joué l'année dernière, oui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, hein, mais en faut 2-3, c'est bon, il n'y en faut qu'un. Il n'y en faut qu'un qui a marqué le but, qui en voulait, donc bing. Oui, mais c'est Adrien Deruet qui a marqué le but. Hein. Ouais. Mais non, enfin, l'esprit de revanche sportif, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais après, entre les deux clubs, il y a beaucoup d'amitié et de respect. Et puis, la victoire est très belle pour nous, mais je pense aussi de la défaite chez nos amis d'Aquerquois doit être amère, et notamment pour le président Scouarnet, qui est un grand président à mes yeux et quelqu'un de très bien. Hein. Puisque, comme l'année dernière, il a renoncé aussi à sa recette, malgré une défaite. C'est formidable. Je souhaite que cette défaite, oui, je souhaite que ce soit un rebondissement pour eux dans leur championnat. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que Hazebrouck est une équipe de coupe? Parce que l'année dernière, vous avez fait également un bon parcours. Oui, mais au-delà d'une équipe de coupe, je pense qu'on est une belle équipe tout court, et j'espère que ça sera surtout dans le championnat qu'on va le faire savoir. Voilà. La coupe, c'est la cerise sur le gâteau, hein, mais le plus important, ça reste encore le championnat. Voilà, donc important, et puis bravo à toute l'équipe, bravo naturellement, et vous voudrez tomber maintenant tirer qui pour le prochain tour? Oh, bah écoutez... Vous choisissez, on va vous le donner. L'équipe, on espère le passer, le tour. Exactement. Merci voilà. À vous, Monsieur le Président. On ira supporter nos amis Stavordois. Ah bah oui, cet après-midi, allez-y. Hazebrouckois et entraîneur cet après-midi. Bien sûr, Philippe Lemaître qui connaît bien la Coupe, hein, la Coupe de France, qui a fait également l'exploit. Lui aussi, c'est un très bien sorcier quand il veut. Merci en tout cas d'avoir fait ce beau match, et puis à très bientôt, Monsieur le Président, et bravo à toute l'équipe. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt. Bravo. Tout de suite, dimanche. Retour à la musique. Merci, bon dimanche. Tout de suite, retour à la musique. Merci à tous nos invités. Fabien Gillot, il était avec nous. Merci à Quentin pour la réalisation de l'émission. Et puis rendez-vous, bien sûr, dès le week-end prochain pour une nouvelle page de sport. On va pas vous énumérer tous nos invités, mais ils seront encore une fois nombreux grâce à vous. Et puis un numéro de téléphone 03 21 38 17 17 pour terminer l'émission. Tout de suite, retour à la musique avec Lilian. Rendez-vous la semaine prochaine. Il est pile 12h sur Énergie. Bon week-end!